toi. Toi cause des problèmes, des fois tu l'oublies. Elle t'a dit ce qu'elle pensait, donc voilà quoi. Grandis un peu, on dirait t'as pas mûri. Tu se restes à manquer les embrouilles, ton sang est miné. Ta mère, elle sait qu'au final, part de toi. Donc elle a poteau, faut pas que tu la déçois. Elle te câline quand tu dors, mais elle manque par toi. Elle veut vivre avec toi. Elle a fait toi, ouf, ouf, ouf, ouf. Elle rêve de toi, ouf, ouf, ouf, ouf. Elle est folle de toi, ouf, ouf, ouf, ouf. Elle est faite pour toi, ouf, ouf, ouf, ouf. Même le matin, elle pense à toi. Et la nuit, elle rêve de toi. Tu vois pas, elle est folle de toi. Elle t'aime vraiment, elle est faite pour toi. Jaloux. Tout le temps elle te pousse, elle veut te pousser à bout. Elle t'envole mon amour, elle veut son bisou sur la bouche. Elle pensait tout le temps à vous. Elle t'a touché, tu vois plus tes gants. Chaque fois que tu bouges, elle demande où tu vas. Oh oui qu'elle t'aime, ne t'en fais pas. Tu iras, elle fera ce que tu voudras. Elle pense à toi, wa, wa, wa, wa. Elle rêve de toi, wa, wa, wa, wa. Elle est folle de toi. Quand je m'endors, je rêve de toi. Bébé, tu es tout pour moi. Bébé, tu es faite pour moi. Même le matin.